si la réunion l'ambiance y pète. Le son en boîte, Nina Pierre pète. Ici Créole, y aime la fête. Quand il arrive en boîte, il rentre des 6 bouteilles whisky. Carafe, coca, poussette, il conduit. Ici les gars, ils pètent pas permis. Et pour marquer le point, un soir, faut trouver la compagnie. De l'osès en débit de soirée, sinon t'y vas dans si calvier. Et quand le soir elle est lancée, tout loup la peut tourner. Au printemps, pas ici à arriver, l'ami veut entendre créole santé. À soir la réunion, la faillale est là. L'ambiance n'est là, et ça t'y aime sa baba. À soir la réunion, la public l'est là. L'ambiance n'est là, et ça t'y aime sa baba. À soir la réunion, la musique l'est là. L'ambiance n'est là, et ça t'y aime sa baba. Assois la réunion, na toulou est là. L'ambiance est là, et ça dit aime sa baba. Modèle parti, modèle là pour défiler. Les gars la tête là pour bloquer. Il connaît pas lesquels il faut aborder. Si ou arrête N, faut trouver le blague les justifier. Sinon les sadia ou aller marcher. Et autre propre d'allons à mon catatoui. Faut la gestuelle, mais faut pas faire le dentelle. Car si ou les trop collant, ou ça passe pour un gradel. Si ou mettre l'épée, il faut connaître apprécier. Donner l'ambiance amicale. Créole y aime défouler. À soir la réunion, la faillale est là. L'ambiance n'est là. Et ça t'y aime sa baba. À soir la réunion, la public l'est là. L'ambiance n'est là, et ça t'y aime sa baba. À soir la réunion, la musique l'est là. L'ambiance n'est là, et ça t'y aime sa baba. À soir la réunion, na toulou l'est là. L'ambiance n'est là, et ça t'y aime sa baba. À soir la réunion, na DJ l'est là. La lidon c'est ka, et ça t'y aime sa baba. À soir la réunion, na mon fête n'est là. Zati dans ses gars, et moi mi aime sa baba. À soir la réunion, na tontine l'est là. À soir la réunion, nena les gars l'est là. À soir la réunion, nena le peuple est là. À soir la réunion, nous mettons la paillasse.